culture hip hop, ma culture qui frappe, le flow que j'encrasse, un accent circonflexe sur le hip hop. Sous parenthèse, en thèse, tu peux pas tester. Arrête de chialer ta mère, pêche de l'art. Arrête de plager là, arrête de montrer là. C'est les skates bas montantes, les baggies descendent dans les skates caverlans. Je m'entends des actions pour un rap en réaction, en mode réclusion, d'intrusion au bras long. Le graphe te dégrafe ta face de garce. Popping, locking, breakdance, viens voir la fratrie pro. En récidive de cassure dos, je représente aussi les bombes qu'on a dans nos tests. Les petites sœurs belles comme des cœurs qui n'ont pas peur du fight again. La vie de might again, c'est AF soft, soft, yeah. Le jour se lève, on se lève. On s'éclate sur le son, hey. Up life, dans sa vie le peuple est à donf. C'est l'arbre et nous les branches, le meilleur des mondes change. Ambitieux, je me concentre à réunir ceux qui l'aiment à fond. Puissance lyricale, base de rimes verbales. Mon flow ombilical me nourrit depuis le prénatal. Mon son coule dans mes veines, des boules quand je peine, des roules quand je traîne. Mets un coup de boule dans mes chaînes, je me libère. En mode bouffe, tout sur l'arène, je prends l'oseille. C'est nous en coupe, coupe, on te découpe dans ta soupe. Prends la route, rien à foutre de où tu nous emmènes, ce sera pareil. Standing ovation, people going crazy. On the daylight, I might be someone who had the fight patient. Make 100% vibes and colors on the white vision. French, English, rap, sound, hip hop, ma raison. Le hip-hop est mon style, comme la bâche qui les enquille. Je mets les disques en pile pour monter la M.I.G. Oui, dis-moi comment ça se passe ici. On s'installe ici et on le fait ici. Y'a pas de soucis s'il faut qu'on tombe à pic. Mon pote, tous ce sont des piottes. Jamais de clé sous porte pour le style hip-hop. Sans oublier le soft. En mode love, job hip-hop, bloc bloc, rap en force. On a la clé qui ouvre les portes et la pêche qui te déporte. Je croque dedans, je crie dedans, je clique dedans, je reste dedans. Et toi comment tes dents? Et oui moi j'ai le temps, je fais pas le chant. H24 dans les dents, je te jure c'est très fréquent. Hip hop live, je taille, je marche, je clash et j'enrage. Déménage et prends garde, le son n'est pas en cage. Ramasse tes bagages et viens dans le voyage et ramène tes potes là, retourne en gage.